Oye, si tu quitte baka bien, y qui quoi qui vient. Ombigu tu quitte baka lié, y qui quoi qui vient. Omayumbu tu quitte bangandoué, y qui quoi qui vient. Amukumu tu quitte ma passe, y qui quoi qui vient bambatié. Y qui quoi qui vient bambatié, y qui quoi qui vient. Yeah.